durant toute la journée. Ça s'est terminé sur notre dernier envoi, puis on attend de voir les réactions demain. Ils se prennent tout au sérieux, ça n'a pas de bon sens. L'enfer. Hein. Ouais, l'Halloween est fini, là. Enlevez vos soutes. Oh, ils se prennent au sérieux, pas à peu près. Là. Ce qui est dommage là-dedans, par contre, c'est qu'on s'enligne vraiment pour que ce soit pas réglé quand on va avoir la Saint-Jean-Baptiste puis le Grand Prix de Montréal. Ça regarde mal. Ça regarde mal pour les événements, les grands rassemblements qui vont être scrappés par des manifestations niaises.